Il y a un collectif qui s'est fondé il y a 3 ans de ça à Grenoble, il s'appelle Collectif Hébergement-Logement. On essaye de faire que les différentes institutions se mettent autour de la table. Je parle des mairies, de la métro, du département, de l'État, des représentants de toutes ces personnes, mais des politiques se mettent autour de la table pour prendre des décisions pérennes, pour se dire que ça coûte moins cher de viabiliser des locaux qu'ils ont chacun de disponibles et de vides, plutôt que ça soit des militants qui les ouvrent de manière illégale ou plutôt que ça soit eux qui payent des nuits d'hôtel qui coûtent beaucoup plus cher. Et on essaye de démontrer aussi que chaque fois que le préfet refuse un titre de séjour ou il met quelqu'un à la rue, alors que c'est quelqu'un qui ne pourra pas repartir dans son pays, qui n'aura pas les moyens et dont la France n'aura pas les moyens de le faire repartir dans son pays. Donc au contraire, soyons solidaires, on n'est pas envahi d'immigrés, on devait en accueillir 27 à 30 000 en 2 ans, on n'en a accueilli même pas 5 à 8 000 en France en ce moment. Donc non, il n'y a aucun envahissement. Oui, il y a un peu plus de mouvement à certaines périodes, mais il y en a déjà eu de par le monde. Il y a tout le temps à peu près 2 millions de personnes dans le monde qui sont migrantes. Il y a des moments plus intenses. En ce moment, on a beaucoup parlé de la Syrie. À Grenoble, en Isère, il n'y a pratiquement pas de Syriens qui sont arrivés. Par contre, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans et qui ne sont pas régularisés.